An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Bicentenaire de l'école des Chartes, les archives n'ont pas pris une ride. C'est en février 1821 que le roi Louis XVIII signe l'ordonnance qui fonde l'école des Chartes, une école d'érudition et de savoir-faire. Elle s'impose peu à peu comme pôle d'excellence avec cet étrange animal, le chartiste. Alors qu'apprend-il dans cette école ? Eh bien, l'histoire, entre autres l'archéologie, la paléographie, la codicologie, l'ectodique, la philologie romane, mais aussi, et ça c'est intéressant, la publication électronique, la pérennisation de l'information numérique, une école qui a 200 ans, mais qui est bien de notre temps. Michel Bubenicek, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes archiviste, paléographe. Dites donc, ça veut dire quoi ça comme métier ? Archiviste, paléographe ? Archiviste, on le comprend, qui s'occupe des archives, paléographe ? Alors paléographe, un expert du déchiffrage, du déchiffrement des écritures anciennes. Ça veut dire que vous êtes chartiste. Voilà, exactement, tout à fait, ancien élève de l'école. Oui, et puis alors là, maintenant, vous la dirigez, cette école. Voilà, j'ai l'immense privilège d'y être revenue pour la diriger, ce que je n'aurais jamais imaginé au moment où j'y ai fait mes études à l'orée des années 1990. D'ailleurs, nous pouvons parler de la localisation de cette école des Chartes. Donc, à l'orée des années 1990, où avez-vous étudié Michel Houbenitschek ? Alors, l'école était encore placée dans le quadrilatère de la Sorbonne, puisqu'elle a occupé un bâtiment dédié. Chacun peut voir encore sur la place de la Sorbonne, à gauche de l'entrée de la chapelle, le fronton gravé au nom de l'École nationale des Chartes. Donc l'école a occupé ces lieux pendant 120 ans environ, entre 1897 et 2017. Alors plus précisément, en 2014, les enseignements, l'administration ont déménagé sur l'actuel site qui est celui du 65 rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement. Donc l'école a quitter la rive gauche pour regagner la rive droite, qui était donc celle de ses débuts. Le déménagement s'est achevé, si j'ose dire, en 2017, lorsque la bibliothèque de l'école, qui était restée sur place entre 2014 et 2017, a rejoint, elle aussi, la rue de Richelieu, plus précisément la rue des Petits Champs, dans une aile, de l'actuel site de la Bibliothèque nationale de France, site de Richelieu. Voilà, donc nous avons déjà une chronologie liée à la localisation. Donc aujourd'hui, rue de Richelieu, auparavant à la Sorbonne. Michel Boubenicek, vous nous avez dit que c'est à la fin du 19e siècle que l'école des Chartes s'est installée à la Sorbonne. Et pourtant, nous fêtons le bicentenaire, donc 1821. En 1821, où est installée cette école ? Alors cette école, elle déménage, je dirais, régulièrement pendant tout le 19e siècle, en lien finalement avec ce qui fait son contexte de création, c'est-à-dire qu'il s'agit de former deux jeunes savants, vous l'avez dit tout à l'heure, au déchiffrement et à l'analyse des textes anciens. Donc, et au début de l'école, au tout début de l'institution, donc dans les années 1820, il n'existe pas encore de procédé de reproduction des documents qui permettent à plusieurs élèves de lire ensemble. Donc on va donc lire sur les originaux eux-mêmes. Donc c'est une première raison qui explique que les cours ont lieu tantôt aux archives donc royales, tantôt à la bibliothèque royale de l'époque, selon le degré d'avancement des élèves. Ce qui explique aussi cette très forte proximité avec les institutions patrimoniales, c'est le fait que l'école a été fondée évidemment sous la sous le patronage à la fois de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, mais aussi des institutions, des grandes institutions de conservation nées de la Révolution, donc Archives nationales, enfin ce qui va devenir ensuite ce qui sont les Archives nationales, pardon, la Bibliothèque nationale de France, qui redeviennent, si j'ose dire, royales une fois la restauration revenue. Mais c'est vrai que nous avons évoqué dans le cours de l'histoire justement l'histoire de ces archives royales. C'est une émission qu'on peut écouter, podcaster sur le site internet. Yann Potin, exactement, qui nous avait parlé de cette histoire. 1821, le roi Louis XVIII signe cette ordonnance qui fonde l'école des Chartes. Pourquoi ce besoin en 1821? Il y a bien un contexte qui explique la nécessité de créer une telle école. Alors c'est un projet qui est beaucoup plus ancien en fait que cette date de fondation de 1821. Le contexte, je vais y revenir, il est assez particulier et sans doute Jean-Charles voudra-t-il compléter. C'est un projet qui est essentiellement, il faut bien l'avoir en tête, lié au bouleversement de la Révolution et de l'Empire, nationalise, si j'ose dire, les biens patrimoniaux, est à l'origine de la création du réseau des institutions patrimoniales, de conservation patrimoniale en France. Et ce contexte, donc né des confiscations révolutionnaires, entre autres, fait réfléchir les gouvernements de l'époque. Et là, je pense essentiellement à un grand serviteur de l'empereur, à la nécessité d'avoir une école qui puisse former de vrais spécialistes, et pas des amateurs, pour conserver, comme il se doit, en sachant pertinemment à quel type de documents ils ont affaire, à quels documents précieux ils ont affaire, pour conserver ces documents au mieux. Donc le projet existe déjà, en fait, sous Napoléon. Simplement, l'école aurait pu naître, en fait. Dans la lignée de la Révolution sous l'Empire, le projet est dans les cartons, si j'ose dire, et il naît véritablement en 1821. Alors là, dans un contexte politique un peu précis, puisqu'effectivement, le nom d'école des Chartes fait référence, bien sûr, à la Charte et au contexte politique précis, c'est un clin d'œil. Mais d'une manière globale, je crois qu'il faut insister sur le fait que on souhaite, à la suite de l'épisode révolutionnaire, doter la France d'un corps de spécialistes érudits qui ne soit plus des clercs, mais cette fois-ci des laïcs, au service finalement des sources de l'histoire, de la mémoire et de l'identité aussi du pays. Et puis des gens qui savent ranger les papiers. Tout à fait. Je vous répète que je range cet endroit régulièrement. Régulièrement ? Non mais qu'est-ce que vous faites quand vous rangez ? Éclairez-moi ! Vous prenez tout ce qui est en papier dans le château, vous faites un tas ? Je fais ce que je peux. Il y a énormément de références, figurez-vous. Bah ben raison de plus pour en prendre soin. Vous entreposez tout au même étage. Et vous éclairez à la torche, espèce de maboule. Et le tout sur des étagères en bois. Mais si la moindre braise qui vole, vous aurez la faim. La bibliothèque d'Alexandrie, ça vous dit rien ? Oui, bon, la bibliothèque d'Alexandrie, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Tout a cramé, voilà ce qui s'est passé. Faut faire des entrepôts éloignés les uns des autres, avec des rangements en pierre ! Crétin ! Mais rangez, nom d'un chien ! Vous n'imaginez tout de même pas, je vais faire tout ça tout seul. Je range ! Non, vous rangez pas, vous déplacez des trucs. Moi, j'appelle ça glandouiller. C'est un glandeur ! Un gros glandeur ! Voilà, mais c'en est fini des glandeurs. Désormais, il y a des chartistes. C'est un clin d'œil au sublime Camelot d'Alexandre Astier. Et pour nous parler de l'école des Chartes et du bicentenaire de cette école, avec nous également Jean-Charles Bédague. Bonjour. Xavier Mauduit. Vous êtes archiviste paléographe, docteur en histoire médiévale et vous êtes sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives au service interministériel des archives de France. Et bien ça, c'est bien joli comme titre. Vous êtes surtout archiviste paléographe, donc vous êtes chartiste également. Exactement. Chartiste, et quand nous évoquons ce mot chartiste, il y a le mot charte. Et nous disions qu'en 1821, sous la Restauration, quand est créée cette école des Chartes, ce mot charte est lourd de sens parce que le roi Louis XVIII assoit son pouvoir non pas sur une constitution, mais sur une charte. Tout cela est important, tout est signe dans la création de l'école des Chartes. Et oui, effectivement, on est dans un contexte où le mot charte n'est pas neutre. On est quelques années après 1814, après la promulgation de la charte constitutionnelle qui est pensée comme une garante de liberté aux yeux des contemporains. Et en même temps, on pense aux chartes parce que ils sont considérés comme les documents les plus fiables, les garants, les témoins des faits les plus objectifs. Et on met un petit petit peu de côté, en fait, à cette époque. Les chroniques, les mémoires, les généalogies qu'on a tendance à considérer d'un œil un peu plus circonspect parce que réécrites, pensées dans un objectif de réécriture de l'histoire, alors que les chartes ne peuvent pas mentir. Donc l'idée, c'est bien de s'appuyer sur des documents qui sont objectifs et de faire une histoire savante et objective, non pas orientée en faveur de tel ou tel. C'est très important de souligner cet aspect. Jean-Charles Bédague, le moment de la création de l'école peut nous faire penser à une orientation politique, à une volonté d'utiliser un tel outil sublime, l'école des chartes, dans une visée politique. En fait, ce n'est pas le cas. Là, on est vraiment dans le domaine du savoir. On est un peu dans les deux, en fait. Et je pense que les premières études que mènent les chartistes sont aussi des études qui sont d'ailleurs patronnées. J'avance un petit peu dans le temps. On est au moment de la monarchie de Juillet, au moment Guizot, où on se met à étudier les monuments du tiers-état avec Augustin Thierry, qui est entouré de chartistes. Disons que l'histoire n'est jamais très loin de la politique, mais néanmoins, la méthode chartiste, elle naît quand même à ce moment-là avec l'idée de s'appuyer donc sur des sources déjà. La méthode chartiste, nous sommes au cœur de toute cette réflexion autour de l'école des chartes fondée en 1820, mais qui impose peu à peu une méthode, l'École nationale des chartes, 200 ans au service de l'histoire. C'est l'ouvrage que vous publiez, Michel Boubenitschek, Jean-Charles Bédague, avec Olivier Poncet. C'est édition Gallimard et École des chartes, en toute logique, pour fêter cet anniversaire. En écho à la méthode chartiste, voici comment elle est présentée par des chartistes. J'ai un père et une mère chartistes, c'est une filiation lourde. Quand on est baigné dans une atmosphère chartiste et d'histoire de l'art, et quand on entend ses parents évoquer toujours les souvenirs de l'école, parce qu'ils les évoquaient beaucoup, bon, on y va un peu naturellement, je veux dire, je ne me suis jamais posé beaucoup de problèmes. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chartistes, de milieux chartistes, qui s'intéressaient à l'histoire de l'art et à l'histoire, à autre chose que l'histoire pure. C'est des histoires un petit peu adaptées soit à la musique, soit à l'art, c'est certain. C'est parce que, en fait, je m'intéressais plutôt aux musées qu'aux archives, mais mon père m'avait dit que si je voulais entrer dans les musées, il fallait que j'y entre par la grande porte. Et la grande porte, ça voulait dire l'école des chartes. Et j'ai fait l'école des chartes un peu en me disant il faut acquérir la méthode. Dire que j'étais spécialement prête à me couler dans ce moule, je ne sais pas, parce qu'en fait, mon mari dit toujours que je suis une fausse chartiste. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une fausse chartiste. Alors, Jean-Pierre, c'est quoi une fausse chartiste et c'est quoi une vraie chartiste? Je crois, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de dire ça, je pense qu'elle brasse plus les idées que la méthode chartiste. C'est-à-dire que la méthode chartiste, méthode analytique, méthode fondée sur les documents, c'est une méthode de rigueur et de patience. Et donc, c'est une méthode quand même qui exclut beaucoup le travail de l'imagination. Colombe Samoyeau et son mari Jean-Pierre qui évoquent la méthode chartiste sur France Culture en 1996. Et dans ce que nous avons pu entendre, il y a ces mots, l'histoire de l'art, donc plusieurs disciplines, il y a la rigueur. Michel Boubenitschek, comment pourriez-vous définir cette méthode chartiste ? Oui, alors la méthode chartiste, je pense que dès l'origine, il y a eu en fait le souci d'éclairer, donc de comprendre en fait le passé à travers l'ensemble des traces, des sources qu'il a laissées derrière lui, qu'il a produit, d'une manière très complémentaire et éminemment pluridisciplinaire. On parle beaucoup aujourd'hui de pluridisciplinarité, je me dirais même que c'est l'un des buts principaux poursuivis par nos universités actuelles et à juste titre. L'école des chartes, elle est en cela très, très, très novatrice dès le début du 19e siècle, puisqu'elle propose en son sein, et c'est toujours le cas, un panel de disciplines qu'il faudrait, qu'il faut toujours d'ailleurs aller chercher dans divers départements d'une université classique, hein, puisqu'on a à la fois des disciplines qui relèvent plutôt du champ historique, des sciences, ce qu'on appelle les sciences auxiliaires de l'histoire. J'entends par là la diplomatique, hein, l'étude des supports, des sources, en particulier écrits, à la fois sur le fond, la forme, la codicologie, donc la science des manuscrits, la paléographie, donc la science du déchiffrement des textes, l'archivistique. Et puis, à ces disciplines historiques, on a dès le début considéré qu'il fallait ajouter des disciplines ayant trait aux langues anciennes, aux langues, en fait, de ces mêmes sources, puisque donc l'école des chartes étant l'école, par définition, des documents écrits, il fallait maîtriser toutes les langues dans lesquelles les documents avaient été rédigés. Donc, aussi bien l'ancien, le moyen français, le latin, l'occitan, ce qu'on appelle aussi le néo-latin, donc le latin de la Renaissance et de l'époque classique, éventuellement des langues étrangères dans leur déclinaison ancienne aussi, hein, le vieil allemand. ça fait toujours rêver d'ailleurs. Voilà. Et puis, pour avoir une vue, je dirais, totale en fait du passé, très vite, on a considéré qu'il fallait aussi avoir des connaissances complémentaires en histoire de l'art, en iconographie, également en histoire du droit, puisqu'effectivement, comment comprendre une société ancienne sans maîtriser ses structures sociales et juridiques ? C'est apparu comme une évidence. Voilà. Donc, pour retrouver l'intégralité de ces disciplines, il faut aller à la fois dans un département d'histoire, de lettres, de langues anciennes et d'histoire de l'art, d'archéologie et de droit, enfin une faculté de droit. Vous voyez, donc dès l'origine, on a ce bouquet de disciplines et c'est toujours le cas aujourd'hui, avec la différence qu'on a augmenté. Évidemment, parce que l'école a toujours eu à cœur de s'adapter, bien sûr, à l'évolution de ses sources, hein, au fur et à mesure où elles sont produites par nos sociétés. Donc aujourd'hui, on initie aussi les élèves, les étudiants aux humanités dites numériques. On a évidemment élargi le spectre de ces disciplines, c'est-à-dire qu'on fait plus de l'histoire du livre pour les périodes anciennes seulement, mais on a aussi l'histoire du livre et des médias contemporains. On a l'histoire du droit contemporain. Enfin, je ne veux pas vous énumérer l'ensemble des disciplines, mais ça vous donne un peu une idée de cette pluridisciplinarité qui est, si j'ose dire, native. Il y a un enseignement que j'ai cité, c'est l'ecdotique, oui. Sans le définir, oui. Donc il faut le définir. C'est l'édition érudite et scientifique en fait des textes, en particulier des textes littéraires, mais aussi des actes de la pratique, ce qu'on appelle les archives. Alors aujourd'hui, l'école des chartes s'intéresse aux publications électroniques, s'intéresse à toutes ces sources produites, mais au 19e siècle, bien sûr, les chartistes n'avaient pas cela comme un centre d'intérêt. Jean-Charles Bédague, malgré tout, il y a une révolution de l'école des chartes au sens où la méthode proposée, les sources étudiées, simplement la démarche de conserver, d'aller chercher, la manière de regarder a changé la manière de faire l'histoire. Oui, effectivement, on est là au milieu du 19e siècle où se développe ce qu'on pourrait appeler des ateliers historiques. C'est-à-dire qu'avant d'être des conservateurs, les paléographes sont destinés avant tout à être des savants qui sont destinés en fait au fondement de l'école des chartes à l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et puis finalement, de l'étude des documents à leur conservation, il n'y a évidemment qu'un pas, mais c'est bien au départ l'examen de ces sources, leur édition d'ailleurs, dont parlait Michel Bubenicek à l'instant, qui crée cet esprit chartiste, cette méthode chartiste dont on parlait tout à l'heure. Je pense notamment aux travaux de Louis Douet d'Arc sur les sceaux, les travaux de Jules Quichera qui s'emploie à éditer les actes du procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que se développe le réseau des archives départementales dans les années 1830, 1840-50, d'une école qui forme surtout des savants parisiens, eh bien, l'école va essaimer partout et développer ces petits ateliers historiques sur l'ensemble du territoire, et notamment dans les sociétés savantes qui sont majoritairement conquises par les chartistes. Parce que sur l'ensemble du territoire, il y a des sources à déchiffrer, parfois pas facile. Seigneur, c'est chier qui orne s'en ira. France Culture. C'est le terre où Dieu fut mort et dit. Qui a un souhait, pitié ne remembrance. Oh, oh Seigneur, d'où est qu'erre sa vengeance et délivrer sa terre et son pays. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Une chanson de Thibaut de Champagne. Nous sommes avec un troubadour du XIIIe siècle. Vous, Michel Bubenicek, vous avez travaillé sur le siècle suivant, hein, sur Yolande de Flandre, donc au XIVe siècle. Avec cette question, les sources que vous avez utilisées pour votre étude, mais combien de personnes peuvent les lire aujourd'hui? Ce sont toujours des documents très complexes. Quand nous les voyons, ils nous fascinent parce qu'ils nous projettent dans le passé, mais c'est très dur à déchiffrer. Alors, moi j'ai travaillé effectivement sur les... Enfin, je suis une spécialiste plutôt de la fin de la période médiévale, hein, puisque le Moyen-Âge c'est très long. J'ai eu la chance, si je puis dire, d'avoir des sources qui sont plus accessibles. Hein, au XIVe siècle, la paléographie est beaucoup plus, enfin, plus facile, celle des sources de la pratique à déchiffrer que la paléographie du XIIIe siècle. La langue surtout est normalisée. On passe en fait de l'ancien au moyen français. Donc c'est une langue qui est quand même beaucoup plus proche de la nôtre que celle du siècle précédent, hein, qui n'est pas évidente du tout. Je me souviens avoir eu quelques explications à ce sujet avec les étudiants. C'est pas évident quand on est jeune chercheur, enfin quand on s'initie aux sources et à la recherche à l'université d'avoir affaire en cours de paléographie au système des cas en ancien français. C'est un peu déroutant. Il y a aussi des traits dialectaux. Enfin, la langue est pas simple. Elle se normalise tout de même. Moi, j'ai eu affaire effectivement essentiellement à des sources françaises. Bon, ceci étant, tout ce qui est documents judiciaires, c'est souvent beaucoup plus cursif, hein, et pas évident. Il faut maîtriser aussi toute la procédure, hein, de ces sources. Et puis, j'avais affaire, hein, comme tout bon médiéviste aussi, à des sources latines. Et là, évidemment, l'aisance en latin acquise au cours de la scolarité du secondaire, mais aussi surtout de la préparation au concours d'entrée et entretenue par les enseignements de l'école, m'ont été très, très, très précieux. Voilà, donc moi, j'avais des sources latines et françaises. Bah, c'est bien, en plus, de souligner l'importance de l'enseignement du latin et pourquoi pas du grec dans le secondaire. Jean-Charles Bédague, justement, sur cet aspect de déchiffrement, c'est donc la paléographie, hein, c'est cette lecture des textes anciens, ça correspond au 19e siècle aussi à un renouveau du regard porté sur le Moyen-Âge. L'école des Chartes accompagne tout ce mouvement que nous connaissons aussi avec l'attention portée au patrimoine, au Moyen-Âge, Notre-Dame de Paris et tout le reste. Effectivement, je parlais tout à l'heure de Louis Douai d'Arc, donc qu'on connaît aujourd'hui plutôt quand on le connaît comme archiviste aux archives nationales. C'est aussi quelqu'un qui est lié d'amitié avec Gérard de Nerval. On est dans le milieu donc romantique du 19e siècle et qui va le former au Moyen-Âge, le former en héraldique. Et comme l'a bien démontré Michel Pastoureau dans un de ses articles, on pourrait lui attribuer une influence sur la création du d'Aldès di Shadow de Gérard de Nerval, qui se lit comme une réminiscence d'images médiévales à partir d'un manuscrit, le Codex Manessé, qui est aujourd'hui conservé en Allemagne, et qui se lit dont le poème de Gérard de Nerval se lit comme une mise en vers de ce manuscrit, d'un certain nombre d'enluminures de ce manuscrit. Donc effectivement, on est en plein dans le mouvement romantique du 19e siècle et qui est l'époque conquérante de l'école des Chartes dans les trois derniers quarts du 19e siècle. Vous citez un Michel Pastoureau, chartiste également. Effectivement. C'est vrai. C'est bien, enfin, on dit archiviste paléographe, mais voilà, chartiste. Et justement, tous ces documents qui nous intéressent, que vous conservez, que vous étudiez, nous les trouvons aux archives. Alors, toutes les archives départementales, il faut souligner combien il y a des fonds magnifiques partout en France, archives départementales, des bibliothèques aussi municipales sublimes. Et puis, il y a les archives nationales. Anne Toscan-Diodès nous a conduit aux archives nationales pour suivre le parcours de ces archives, comment elles rentrent aux archives, comment elles arrivent aux lecteurs. Et pour cela, il faut se rendre à Pierrefitte, c'est juste à côté de Paris. On y va en métro. Et bien justement, allez, installons-nous dans le métro. En France, la consultation des archives nationales est publique. Mais pour les consulter, il y a une certaine marche à suivre. Comment ce carton est-il apparu devant nos yeux de lecteurs ? Pour le savoir, ce n'est pas l'itinéraire du lecteur qu'il faut retracer, mais celui de l'archive. Mais à partir de quand un document est-il considéré comme une archive ? À partir de sa collecte, comme nous l'explique Bruno Ricard, le directeur des Archives nationales. Alors nous collectons aux Archives nationales environ 3 km linéaires d'archives nouvelles chaque année. C'est quand même assez colossal. On parle effectivement en kilomètres dans le secteur des archives. Et ces archives sont essentiellement des archives publiques qui proviennent de la présidence de la République, des services du Premier ministre. Et on collecte aussi des archives d'origine privée qui présentent un intérêt national. Mais il y a un autre réseau qui est complémentaire du nôtre, qui est celui des services d'archives départementales. C'est un échelon qui est fondamental aussi. Une fois collectés, ces documents, qui sont maintenant des archives, arrivent par camion au quai de déchargement, où nous nous rendons en compagnie de Pierre-Simon Pellissier, le responsable du service des entrées et de la régie des fonds. C'est l'ouverture d'un des deux quais de chargement que l'on possède sur le site de Pierrefitte des Archives nationales. On a deux quais de chargement puisqu'on essaye de faire en sorte que l'on puisse avoir deux transferts d'archives en simultané. Lorsque les archives arrivent, on va effectuer une sorte d'évaluation matérielle et sanitaire. Pour ce faire, on va ranger temporairement ces archives dans l'un des deux espaces qui sont juste en face des quais de déchargement. Je vous en prie. On rentre dedans. Et les agents techniques du service des entrées effectuent donc par sondage un relevé sanitaire de ces archives. C'est-à-dire qu'ils vont sur à peu près 10% du volume global d'une entrée regarder s'il y a de la poussière, s'il y a des moisissures à l'intérieur du carton ou sur le carton, que l'on appelle communément DIMAB ou ARMIC, et qui sont les principaux contenants que nous utilisons pour ranger des archives. Alors, on va aller à droite. Maintenant que ces archives sont collectées, les archives nationales ont pour mission de les protéger au mieux, quitte à inventer pour chaque document une solution sur mesure. Alors vous êtes ici dans l'atelier de conservation préventive. C'est ici que les agents de ce service fabriquent des boîtes de dimensions souhaitées. C'est-à-dire que lorsque l'on n'arrive pas à commander des boîtes, puisqu'il nous faut un format très précis, on peut les fabriquer sur mesure. Et on a des agents qui travaillent ici qui sont de véritables orfèvres avec ça et qui fabriquent des boîtes qui ont servi pour des expositions et qui permettent de mettre en valeur en fait les archives ou les objets qu'elles contiennent. Béatrice Herold, directrice de l'appui scientifique. On porte une attention très grande à ce qu'on appelle les conditionnements, donc les boîtes ou les chemises dans lesquelles on range les archives. Donc les cartons sont neutres, donc il n'y a pas d'acidité, donc pas de transfert d'acidité au papier qui serait néfaste à la conservation durable du papier. De même, les chemises sont en papier permanent, sans acidité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaie de donner toutes les conditions possibles pour que les archives se conservent très longtemps sans qu'il y ait d'autres interventions, sans qu'il y ait de dégradation non plus, une fois qu'elles sont arrivées ici. Mais malgré des solutions sur mesure et une conservation très attentive, la prudence ne suffit pas toujours et certains des documents les plus fragiles ou les plus anciens ont parfois besoin d'une restauration qui se révèle être un véritable travail d'orfèvre, comme nous l'explique Bertrand Sainte-Marthe, le responsable de l'atelier de restauration Reliure et Dorure. On est au service, entre guillemets, des fonds ou en fait de toutes les raisons qui peuvent justifier un traitement de restauration, que ce soit la consultation de documents qui sont trop fragiles pour continuer à être consultés ou à être communiqués, une exposition, un besoin de numérisation. Et après, il y aura des séries d'interventions plus ou moins importantes, plus ou moins longues à réaliser, dont le but, ça sera de rétablir la cohérence matérielle des documents, donc réduire les déchirures, doubler les surfaces trop fragiles, combler les lacunes, combler de manière, pas illusionniste, mais en réintégrer visuellement les lacunes pour que les choses soient pas trop discrépantes, pas trop différentes. Mais comme on travaille sur des documents d'archives, il y a un caractère probatoire qu'il ne faut pas annihiler par des interventions. Donc il ne faut pas confondre ce qui est original de ce qui est restauré. Donc il y a toujours une limite et un équilibre à observer pendant les opérations de restauration. Et après, les documents concernés, c'est évident, des documents cellulosiques, du papier, mais aussi des documents organiques comme du parchemin. Et après, des choses qui ont des conformations plus ou moins différentes, des cahiers, des liasses, des registres, des reliures. Il y a des documents à caractère photographique. Et puis parfois, on a des choses plus surprenantes, comme notamment des bourres de laine. C'est tous les prélèvements de laine sur les mérinos de la bergerie de Rambouillet. Donc ça fait des grands tableaux. Donc il y a des bourres de laine et il y a des problèmes de restauration de matériaux qui ont évolué dans le temps et qu'il faut stabiliser pour pouvoir à la fois les conserver, mais aussi les présenter au public. Tous ces cartons vont alors être entreposés dans d'immenses pièces coupées du monde extérieur, que l'on appelle des magasins. En très très large, en typologie d'archives, on a ce qu'on appelle du standard, ça va être du liasse, du papier, tout ce qui est photographie, ça peut recouper également des plaques de verre, différents types de tirages, monochrome, autochrome. On a tout ce qui est cartes et plans, affiches, et comme vous allez le voir après, des archives audiovisuelles. Donc ça recoupe des bobines, ça recoupe des cassettes vidéo, des cassettes audio. On a de plus en plus d'archives électroniques qui ne sont pas conservées physiquement dans les magasins comme d'autres archives, mais qui prennent de plus en plus de place. Une particularité du bâtiment des Archives nationales ici à Pierrefitte, c'est d'avoir été conçu avec une forte inertie en lui-même, c'est-à-dire des murs très épais. Vous voyez que ces salles où sont conservées les archives n'ont aucune ouverture vers l'extérieur. Et tous ces efforts sont pour garantir une stabilité de la température et de l'hygrométrie, de façon à ce que le climat extérieur ne change pas la température et l'humidité à l'intérieur des magasins. Donc la seule chose qu'on gère, en fait, c'est une ventilation. L'autre chose qu'on gère aussi, c'est donc le dépoussiérage. Donc on a des archives très propres. Et sans poussière, c'est aussi une garantie de ne pas avoir de moisissures qui se développent, puisque c'est un des sinistres principaux qu'on peut gérer dans les services d'archives. Pour faciliter l'accès aux archives, de plus en plus de documents sont numérisés selon des techniques bien particulières que nous présente Marc Paturange, le responsable de l'atelier de photographie. On capte l'original en plusieurs morceaux. Ensuite, on les visse de manière à ce que les prises de vue se chevauchent un peu, de manière à ensuite recoller toutes ces images entre elles pour reconstituer une image fidèle à l'original. Mais quels documents sont numérisés en priorité ? Il y a différents critères. On travaille souvent en partenariat avec des laboratoires de recherche. On a aussi eu des programmes de numérisation par rapport à des recherches grand public. Par exemple, on a numérisé tous les dossiers de titulaires de la Légion d'honneur, décédés avant 1970. Donc ça, c'est parce que ça répond à un grand besoin, notamment des généalogistes. Voilà, donc on a différents critères qui nous permettent de choisir de programmer des opérations de numérisation sur des corpus plus ou moins grands. Et voilà. Finalement, après toutes ces péripéties, le document d'archives est enfin prêt à rencontrer son lecteur dans la salle de lecture des Archives nationales. Et là, on va avancer vers la salle de lecture, qui est le seul point de rencontre dans les flux de circulation entre le document et le lecteur qui vient consulter les archives. Donc là, le lecteur a consulté en ligne notre salle des inventaires virtuels, qui est comme une salle de catalogue en bibliothèque. Donc il a pu repérer les documents qui l'intéressent. Il a pu effectuer une commande pour réserver des documents qu'il souhaiterait consulter en salle de lecture. Et nous avons récupéré cette demande. Et les équipes ont été chercher le carton ou le registre ou les archives en magasin, dans les magasins de conservation. Ils les descendent au rez-de-chaussée où se trouve la salle de lecture. Et le jour où le lecteur se présente, le document lui est remis au guichet par lequel on va passer avant d'entrer dans la salle de lecture. Ces documents permettent de renforcer le vivre ensemble et c'est la contribution des archives nationales que ce qu'on appelle aujourd'hui le faire nation, c'est-à-dire c'est notre pierre à l'édifice. Hein. On est très heureux de contribuer ainsi à cette politique qui est absolument nécessaire dans une société. Bruno Ricard, directeur des archives nationales. Il y a aussi, évidemment, étant donné qu'on présente un document original qui a traversé les décennies, qui a traversé les siècles parfois, il y a évidemment une charge symbolique très forte et du coup, c'est source d'émotion. Les archives, c'est à la fois du savoir, mais c'est aussi de l'émotion, bien évidemment. Nous étions aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte avec Anne Toscane Viudès pour un reportage réalisé par Somaya Dabesh, Somaya qui réalise aussi le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Sofiane Aktib, le cours de l'histoire qui s'intéresse à l'école des Chartes pour le bicentenaire de cette superbe école. Justement, Jean-Charles Bédague, quand nous entendons le directeur des archives dire que ces archives sont essentielles pour le vivre ensemble, pour le faire nation, dans l'histoire de l'école des Chartes, il y a aussi cette histoire-là, le faire nation, est presque l'engagement politique des élèves de cette école. Effectivement, un engagement politique qui reste chartiste, éminemment chartiste, puisque l'exemple qui vient le premier en tête, c'est évidemment l'appel qui est fait aux chartistes au moment de l'affaire Dreyfus. Et évidemment, si on fait appel aux chartistes, c'est pour leurs compétences de paléographe, de diplomatiste, et pour expertiser le fameux bordereau qui est au cœur du procès de Dreyfus. Et un certain nombre de professeurs sont mobilisés pour apporter leur expertise. Et on a, jusqu'à l'époque contemporaine, des archivistes, paléographes, qui ont été experts en écriture pour les tribunaux. Formidable, hein, dans l'affaire Dreyfus, effectivement, Bertillon, eh bien, dit, ça y est, ce grand spécialiste de la police scientifique, ça y est, j'ai identifié l'auteur du bordereau, eh bien, ce Dreyfus, il mérite d'être condamné. Et ce sont des chartistes qui travaillent, dans ce cas-là, ils travaillent, mais avec derrière des convictions politiques. Alors, la science est là, hein, la science fait qu'ils ne vont pas changer leurs études, mais quand ils vont suivre Émile Zola pour essayer de discuter Alfred Dreyfus, il y a aussi un engagement politique beaucoup plus large, Jean-Charles Bédague. Effectivement, on a parmi les professeurs qui s'engagent, Paul Violet, par exemple, qui est à l'origine de la fondation de la Ligue des droits de l'homme. C'est un milieu très très particulier. D'ailleurs, si on reprend l'exemple de Paul Violet, qui est fervent catholique, Dreyfusard, je pense que le moment de l'affaire Dreyfus a été un moment assez charnière dans l'histoire de l'école, puisque c'est là que l'engagement politique s'est révélé dans une école qui n'avait pas, du fait de ses effectifs, hein, également, n'avait pas l'habitude de se faire particulièrement remarquer. Eh bien, on parle d'effectifs, on parle des élèves de cette école. Alors pour l'affaire Dreyfus, nous sommes à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Est-ce que les chartistes sont des personnes immorales? En tout cas, en 1902, André Gide écrit « L'immoraliste ». Jusqu'à ce jour, j'avais porté toute ma barbe avec les cheveux presque ras. Il ne me venait pas à l'idée qu'aussi bien j'aurais pu porter une coiffure différente. Et brusquement, le jour où je me mis pour la première fois nu sur la roche, cette barbe me gêna, C'était comme un dernier vêtement que je n'aurais pu dépouiller. Je la sentais comme postiche. Elle était soigneusement taillée, non pas en pointe, mais en une forme carrée, qui me parut aussitôt très déplaisante et ridicule. Rentré dans la chambre d'hôtel, je me regardai dans la glace et me déplus. J'avais l'air de ce que j'avais été jusqu'alors, un chartiste. André Gide, lu par Olivier Martineau. Michel Boubenitschek, allez, du point de vue d'un regard extérieur, projetez-vous à l'extérieur, mais vous l'avez vécu. Quelle est la figure du chartiste? C'est quelqu'un dans le cliché qui est plongé dans ses vieux livres? Exactement, je crois qu'évidemment cet attachement à l'analyse érudite, au plus près des sources, hein, bien sûr, avec des disciplines extrêmement spécialisées, pointues, entretient l'image de jeunes gens, effectivement jeunes mais austères, alors que je crois que dès qu'on commence à se lier d'amitié ou lier connaissance avec quelqu'un qui a fait l'école ou qui étudie, ses préjugés volent facilement en éclats. Voilà, ça, on a une, je crois que c'est une école, je voudrais revenir peut-être sur la question de la méthode, une école à la fois effectivement extrêmement rigoureuse à travers les savoirs et les exigences qu'elle demande. Effectivement, et c'est une discipline très érudite, je viens de le dire, qu'elle enseigne, mais qui paradoxalement sont autant finalement de clés de liberté. Ça, je voudrais insister là-dessus. On n'a jamais imposé un sujet de thèse. On n'a pas très peu évoqué la thèse hein, des chartistes, la fameuse thèse. Ce sujet de thèse, il est déterminé par les élèves, vraiment en toute liberté, sur la base de cette méthode très très très rigoureuse. C'est un peu comme le solfège finalement. Quand on le maîtrise, on peut commencer à prendre un petit peu ses distances et à prendre son envol et à créer soi-même. C'est un peu comme ça que je vois l'école. Il y a vraiment cet attachement à accompagner les élèves dans leur souhait finalement de découverte intellectuelle, découverte critique d'un domaine qui leur plaît, qui les attire, mais sans aucune pression, mais sur la base évidemment d'une méthode très très rigoureuse. Donc une fois qu'on a compris cela, je crois qu'on prend aussi de la distance par rapport aux préjugés qu'on pourrait avoir. Et ce qui le prouve, c'est la diversité extrême des domaines de spécialité. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des fondamentaux à l'école. Il est, j'irais, assez classique d'y trouver des spécialistes, des éditeurs, des philologues, des éditeurs de sources, on l'a dit, critiques, des historiens formés de manière classique. Mais on sait moins qu'on a, par exemple, actuellement l'une des meilleures spécialistes du mouvement punk, qui est une grande chercheuse au CNRS qui a fait l'école et qui après... s'être intéressée à la musique baroque. Elle a fait une thèse sur la musique baroque et maintenant, enfin, c'est vraiment, a élargi ses centres d'intérêt à la scène musicale la plus contemporaine et sans doute la plus surprenante. Ah bah c'est sûr que le mot punk et chartiste, a priori, c'est rarement associé. Voilà. Le cours de l'histoire sur France Culture, histoire d'archives toute la semaine, archivé pour mieux régner avec Yann Potin, tiens, un chartiste, ou les archives napoléoniennes avec Pierre Branda et Charles-Éloi Vial, tiens, un autre chartiste. Ils sont partout ces chartistes. Bah Jean-Charles Bédague, vous êtes chartiste, et Michel Boubenitschek aussi, mais dites donc, la place des femmes, alors vous êtes la directrice de l'école des Chartes. Longtemps, ce fut une école très masculine. Oui, ce fut une... Alors, je suis seulement la deuxième, en fait, femme directrice, puisque la première, il a fallu attendre le 21e siècle, hein, 2001, avec Anita Guéraud-Jalabert pour avoir une femme à la tête de l'école des Chartes. Alors, un petit peu moins tout de même pour avoir des femmes à l'école, hein, puisque la première femme reçue au concours d'entrée, c'était au tout début du 20e siècle, donc en 1906, hein, Geneviève à Cloques. Et très vite, on a constaté, enfin, que les filles réussissaient bien le concours, réussissaient aussi très bien la scolarité, et était très bien placé au classement de sortie. Dès le milieu des années 20, des années 1920, les promotions sont mixtes. On a à peu près autant de jeunes gens que de jeunes femmes. Et ça se confirme dans les années qui suivent. Et ce qui fait de l'école des Chartes la première grande école mixte, étant entendu qu'évidemment certaines écoles sont, il existe des écoles exclusivement féminines hein, dès la fin du 19e siècle, c'est une autre configuration. Je pense évidemment aux écoles normales supérieures de jeunes filles. Mais pour s'agissant d'une école qui introduit la mixité, c'est l'école a été pionnière et très vite les filles se sont révélées des chartistes particulièrement doués et donc et bien placés en particulier en classement de sortie. Et puis sur ces questions des archives, il y a toujours des questions politiques. Il y a eu récemment des vraies interrogations sur des archives qui étaient classifiées où les chercheurs n'avaient plus accès. Le président de la République a fait une déclaration, mais qui ne revient pas en fait sur ces questions-là. Les archives ne sont toujours pas déclassifiées. Et quelle est la place des chartistes? Quelle réflexion y a-t-il à avoir sur la communication des archives au plus grand public? Alors là, je pense que je vais céder la parole à Jean-Charles Bédague, qui est vraiment au cœur du sujet, davantage que je ne saurais l'être. Jean-Charles Bédague. Je crois qu'on peut faire une émission entière sur le sujet de l'accès aux archives, parce que en fait, ce que l'on n'a peut-être pas dit assez, c'est que un document d'archive est archive dès sa création. Donc, l'accès aux archives, c'est l'accès à l'ensemble de la production. En l'occurrence, on pense là aux archives publiques. C'est l'accès à tout document et c'est un principe constitutionnel, fondamental. C'est le droit à chaque citoyen de demander compte à l'administration. Et les chartistes, en l'occurrence, eux se retrouvent plutôt, on pense plutôt qu'ils se retrouvent au bout de la chaîne, c'est-à-dire au moment où il faut décrire et donner accès à ces archives. Mais en fait, il n'y aurait pas d'accès aux archives s'il n'y avait pas aussi des chartistes, des archivistes plus largement, hein, au moment de ce qu'on appelle la collecte et au plus près des administrations. Parce que si on ne collecte pas les archives, c'est un peu plus difficile après de les communiquer. Donc c'est vraiment important et je pense que les archivistes, notamment en département, ont été très très tôt proches de l'administration pour ce qui d'ailleurs a conduit certains d'entre eux à occuper des fonctions administratives très importantes, mais proches de l'administration pour accompagner ce moment de la collecte et faire rentrer dans les collections ce qui sinon serait détruit, détourné, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se conçoit de manière très très large. Et effectivement, vous avez rappelé, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'accès aux archives classifiées, mais il y a eu des débats sur l'accès aux archives à toutes les époques. Et si l'on veut parler du sujet, vraiment, je pense qu'il faut une nouvelle émission parce que c'est très complexe. Le président, en fait, ce qu'il faut retenir de l'annonce du président de la République sur l'accès aux archives classifiées, c'est la deuxième partie de son communiqué, et celle qui parle d'un changement à venir de la loi pour favoriser l'accès à ces archives classifiées. Voilà, c'est ce que nous allons retenir, c'est que il y a une polémique. La première intervention du président va en direction d'une solution à venir, n'est pas la solution déjà, mais que l'accès des archives est un droit du citoyen. Exactement. Ce sont les archives de la nation, donc la question de la classification n'est pas politique en soi. Merci vivement à vous deux, Michel Boubenitschek et Jean-Charles Bédague, de nous avoir parlé de l'école des chartes. Et je rappelle cet ouvrage, l'école nationale des chartes, 200 ans au service de l'histoire, une coédition Gallimard et l'école nationale des chartes, bien sûr, avec plein d'illustrations, plein de documents, l'iconographie est superbe. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est la saison des festivals d'histoire. Et oui, malgré le confinement, deux festivals d'histoire ont décidé d'exister envers et contre tout, dans une version numérique et à distance bien sûr. Alors que le festival Histoire Cité de Genève se consacre au voyage et au tourisme pour nous prendre par la main au fil des voyages immobiles auxquels nous sommes contraints en temps d'épidémie, l'Histoire à venir de Toulouse se consacre au faux. Et c'est justement de mystification dont il est question dans l'actualité. La Bibliothèque nationale d'Espagne a décidé de porter plainte pour le vol du Sidereus Nuncius, un précieux manuscrit de Galilée et un vol commis il y a maintenant plus de 20 ans.